26. Les yeux des pauvres. Ah, vous voulez savoir pourquoi je vous hais aujourd'hui? Il vous sera sans doute moins facile de le comprendre qu'à moi de vous l'expliquer. Car vous êtes, je crois, le plus bel exemple d'imperméabilité féminine qui se puisse rencontrer. Nous avions passé ensemble une longue journée qui m'avait paru courte. Nous nous étions bien promis que toutes nos pensées nous seraient communes à l'un et à l'autre, et que nos deux âmes désormais n'en feraient plus qu'une. Un rêve qui n'a rien d'original, après tout, si ce n'est que rêvé par tous les hommes, il n'a été réalisé par aucun. Le soir, un peu fatigué, vous voulûtes vous asseoir devant un café neuf qui formait le coin d'un boulevard neuf, encore tout plein de gravois et montrant déjà glorieusement ses splendeurs inachevées. Le café étincelait, le gaz lui-même y déployait toute l'ardeur d'un début et éclairait de toutes ses forces les murs aveuglants de blancheur, les nappes éblouissantes des miroirs, les ors des baguettes et des corniches, les pages aux joues rebondies traînées par les chiens en laisse, les dames riant aux faucons perchés sur leurs poings, les nymphes et les déesses portant sur leur tête des fruits, des pâtés et du gibier, les ébées et les ganymèdes présentant à bras tendus la petite amphore à bavaroise ou l'obélisque tricolore des glaces panachées. Toute l'histoire et toute la mythologie mise au service de la goinfrerie.